différences. La première différence, c'est que le gouvernement canadien, qui nous représente, qui parle en notre nom, évidemment, prend des positions qui sont, pour aux yeux des gens qui ont manifesté, donc pour le droit des Palestiniens à pas se faire bombarder, qui sont pro-crimes de guerre, donc des choses qui sont contraires aussi aux lois internationales. Et donc, il est évident qu'une fois que le gouvernement canadien prend des positions, en tant que Canadien, il est normal que des gens prennent la rue pour condamner des positions canadiennes ou alors condamner aussi des crimes de guerre. Je tiens quand même à dire que c'est assez spécial de penser que c'est les musulmans qui ont manifesté pour Gaza. C'était des Québécois, par exemple à Montréal, qui ont manifesté pour Gaza, qui sont évidemment, entre autres, de confession musulmane, mais pas du tout. Il y avait évidemment plusieurs politiciens, des gens de la CSN ou de Québec solidaire ou de la bonne gang. Il y avait les gens de la bonne gang qui étaient là, mais il y avait Adil Sharkawi et ses amis aussi là, qui étaient là, mais il y avait des gens de la bonne gang aussi là. Si vous le dites. Okay. Vous voulez dire que si demain Adil Sharkawi manifeste pour les droits des femmes au Québec, on dit que les droits des femmes c'est mauvais? Non, mais lui, on a hâte qu'il sorte, par exemple, pour dénoncer ISIS. Est-ce qu'il va le faire? Avez-vous des contacts avec lui? Okay. Il est bon pour dénoncer l'islamophobie, là. Mais est-ce qu'il va dénoncer à un moment donné ce qui se passe, les cochonneries qu'on voit? Encore une fois, alors moi je ne veux pas parler pour Adil Sharkawi, je veux parler pour moi-même. Mais personnellement, moi je dénonce personnellement beaucoup tout type de discrimination, y compris l'islamophobie, et c'est l'islamophobie locale que je dénonce. Et donc je vois mal pourquoi est-ce que sous prétexte qu'on dénonce le fait que quelqu'un qui a un nom qui s'appelle Mohamed, par exemple, qui s'apparente à la religion musulmane, a beaucoup moins de chances de trouver un travail à compétences égales. Ouais, mais si on change de sujet, là. Moi je veux que tout le monde ait un job. Vous, je suis d'accord avec vous. C'est vous qui avez introduit le sujet. C'est justement deux choses. C'est non, mais c'est parce que le sujet, c'est ISIS, là. Laissez-moi finir. Je suis contre la discrimination aussi, mais allez-y. Oui, alors laissez-moi finir quand même. Donc vous dites, sous prétexte qu'on manifeste contre l'islamophobie, on doit prendre la position par rapport à ISIS. Et là, je vous dis, c'est quoi l'islamophobie ici au Québec, et vous me dites, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Effectivement, vous avez raison, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, donc votre comparaison n'a pas vraiment un sens par rapport à ce que vivent les musulmans. Eux soutiennent que c'est ça l'islam. Vous, oui, sortez pour nous dire que ce n'est pas ça. Eux font une propagande mondiale, tout azimut, partout, et ils ont les moyens d'en faire une, okay, pour nous dire que eux, ils sont l'État islamique, ils appellent à tous les musulmans de leur obéir. En fait, le califat, le boss en haut dit, écoutez-moi, c'est moi qui est boss. Vous, on aimerait ça, justement, que vous sortiez dans les rues, les musulmans, on aimerait ça, que la communauté musulmane, et plus particulièrement, ça vous touche pas, mais les leaders religieux dans les mosquées, on aimerait ça les entendre davantage, comme c'est arrivé à Paris, il y a 48 heures, le moufti à Paris qui a dit, c'est inacceptable. On veut entendre les leaders musulmans du Québec dire, ce n'est pas l'islam. C'est ça que je veux entendre. Alors d'abord, je suis curieux de voir à quel point est-ce que vous êtes attentif à ce que les leaders musulmans prennent la parole. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont très pratiquants au Québec, donc des Québécois de confession musulmane, oui, et qui évidemment sont contre tous les crimes qui ont lieu à l'extérieur de leur pays, y compris évidemment ceux de l'ISIS. Bon. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que vous pensez un seul instant que ces gens-là ne seraient d'accord avec cette vision-là de l'islam. Et le fait de le penser et de les obliger à se dissocier, ça crée deux choses. Ou bien, il y a une raison de penser qu'ils seraient d'accord. Ça, c'est une chose, ce qui est assez spécial, vous savez, bon. Et d'une autre manière, c'est quand ils ne condamnent pas, parce que eux, ils pensent pas qu'il y a aucune raison pourquoi ils seraient associés à ce type d'idéologie, c'est de dire, ils sont complices par leur silence. Vous savez, moi, je suis ingénieur. Bon. En tant qu'ingénieur, on a vu pendant 6 mois, dans la commission Charbonneau, tous les jours, des ingénieurs venir nous dire qu'ils achetaient des politiciens, qu'ils achetaient des contrats, des fausses factures, des tout ce qu'on voulait. Mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui va me dire, sous prétexte que je suis ingénieur, que je dois me dissocier des ingénieurs qui commettent des crimes au Québec. Vous comprenez? J'ai rien à voir avec ces ingénieurs. Mais là, vous parlez de l'ingénierie, ce n'est pas acheter des partis politiques. Donc, de la même manière, vous venir à l'esprit à vous, que quand vous croisez un musulman ici, un Québécois de confession musulmane, qui serait d'accord ou qui pense que l'islam soit ou qu'il a une relation de proche ou de loin avec l'idéologie qui consiste à faire la guerre en Irak, est déjà en soi assez étonnant de votre manière. Donc moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment il vous est venu à l'esprit à vous quand vous rencontrez un musulman dans la rue. Monsieur Boisy. Non, mais c'est parce que là, vous faites un procès d'intention. Attends un peu, Jean-Claude. Ah, mais non, c'est vous qui posez la question. Là, vous faites un procès d'intention. C'est une question que vous posez. Moi, quand je croise un musulman, je pense rien. Je pense pas qu'il est pour ISIS. Je pense pas qu'il est contre. J'aimerais ça savoir. Ben, vous de quel côté? Non, mais vous devriez. Non, mais attendez un peu. Lorsqu'on nous menace par médias interposés de nous égorger quand il y a des appels lancés. Les Canadiens, vous avez dit que vous étiez Québécois, non? Vous avez dit que vous étiez Québécois, non? Vous aviez dit que vous étiez Canadien ou Québécois? Exactement, parfait. Exactement. On est tous ensemble. Lorsque donc, je fais partie de nous. Moi, lorsqu'on me menace... Laissez-moi parler. Je fais partie du E aussi. Laissez-moi parler. Allez. Lorsqu'on me menace, moi, je veux savoir exactement de quel côté on est, là. Qui est de mon bord, si vous voulez? Vous savez, lorsqu'on donc, me menace dire directement... Que je suis Canadien. Moi, je suis de quel bord pour vous? Excusez-moi. Moi, je vous parle. Je perçois très bien que vous êtes du bord de la liberté. Vous voilà. Avez choisi le Québec et le Canada comme terre d'accueil. Et je comprends très même, bien qu'on est du même côté. Il y a parmi nous, évidemment, des gens qui n'ont rien choisi du tout et qui sont nés ici. Là. Et il y a des gens qui ont choisi le Québec pour fuir la tyrannie. La grande majorité des musulmans, je le crois, mais ça. Mais moi, ma fille qui est née au Québec, vous comprenez qu'elle a rien choisi du tout, elle est juste canadienne. Absolument. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que ce message-là qui a été lancé de nous égorger, bon, je l'ai compris comme ça, ce message-là, puis ça donne que je suis pas tout seul. Moi, je veux savoir, les musulmans de chez nous, les imams, surtout les leaders religieux, qu'ils sortent et qu'ils le disent clairement. Première des choses. Vous devez savoir que ce n'est pas ça l'islam. Vous devez savoir ça. Nous, on n'y va pas dans là, les mosquées. Moi, je suis obligé de te dire... Vous n'êtes obligé de rien dire. Ce que je veux savoir, c'est ça. Que l'islam, pas vous égorger quand je vous croise. Non, c'est ça. Non, non. Et ça vous rassure. Je veux entendre que ce qu'on voit, ce n'est pas l'islam, alors qu'on tente de nous faire croire à tout le monde, incluant à vous, que c'est ça l'islam. Mais c'est vous qui voulez comprendre ça. Je suis juste curieux, ça m'intéresse, est-ce je veux que savoir. Vraiment, en croisant des musulmans au Québec, vous pensez que les musulmans du Québec pensent que l'islam, c'est égorger des gens? Mais M. Boisy, je pense que comment il vous est venu à l'esprit de penser une affaire pareille? Non, mais c'est parce que je pense que vous le prenez un peu personnel, peut-être avec raison. Non, pas du tout. Moi, je le prends rien. C'est la première fois que je parle, je veux juste dire une chose. Moi, quand je crois un musulman au Québec, je me dis pas c'est un égorgeur potentiel. OK, bon, je veux juste que le message que je pense qu'on essaie ici de passer, c'est pas de justement pointer chaque musulman, dire toi excuse-toi, toi de quel bord es-tu, c'est toi. En gros ce que vous demandez. Non. Moi je pense qu'on on fait appel ici et je sais pas, peut-être vous êtes en désaccord, mais je vois pas pourquoi là. Moi j'ai l'impression que c'est les autorités religieuses, les imams, de l'islam, vous, les leaders qui devraient prendre position, au même titre que lorsqu'on dénonce les pédophiles curés chrétiens partout dans le monde, on demande à Rome de prendre position. Il me semble que c'est pas si compliqué. Là. OK, donc vous pensez... Alors, il y a deux choses. Il y a une grosse différence entre la chrétienté et l'islam. Différence entre la chrétienté et l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Donc, il n'y a pas de pape. Là. Donc, c'est sûr que si le pape... Il y a des leaders religieux quand même. Je comprends, mais ils sont pas d'accord entre eux et chacun peut dire ce qu'il veut et ils ont pas du tout à être d'accord. Alors que si le pape décide qu'on n'a pas le droit, je sais pas moi, d'utiliser de capote, si on n'est pas d'accord, on est obligé de le dire parce que sinon ça veut dire qu'on est d'accord. Bon. Maintenant, ayant dit ça, moi quand je croise un imam là, au Québec, il me vient pas à l'esprit de penser que lui, il pense que c'est une bonne idée d'égorger son voisin. Je ne sais pas ce qu'il pense. Je veux l'entendre. Le grand moufti d'Arabie a critiqué les djihadistes. Non, je veux juste les entendre. Y a-tu moyen que je sache? Donc, il y a un doute dans votre tête à vous. Y a pas de doute, je veux les entendre. Moi, j'ai lu le commentaire du grand moufti d'Arabie. Le Abdel Aziz Al-Sheikh qui a violemment dénoncé mardi les djihadistes de l'État islamique. Est-ce que je pourrais, comme Québécois, souhaiter d'entendre des leaders musulmans montréalais? Pourquoi vous avez besoin d'entendre ça? Expliquez-moi, j'ai envie de comprendre votre raisonnement. Vous me dites, il n'y a pas de doute, quand vous croisez un imam, vous pensez pas que lui, il est d'accord avec égorger son voisin de palier. Je présume de rien, je veux l'entendre. Mais vous, de votre côté, vous trouvez que c'est pas important. J'ai pas de problème avec ça. Non, mais parce que moi, comme vous, j'ai pas de doute. Et je pense pas, quand je croise un Québécois de confession musulmane, que c'est quelqu'un qui est... Ça serait très nourrissant pour le vivre ensemble de savoir, justement, que vous dénoncez une telle chose. En fait, c'est pas vrai ce que vous me dites. Dans le pacte social, c'est très nourrissant. Moi, je suis honnête avec vous. Moi, je suis très honnête avec vous que dans le pacte social qu'on a au Québec, dans la communauté dans laquelle on vit, ça serait très nourrissant pour le vivre ensemble que moi, j'entende ça. Comme je lis, pourquoi lui trouvait ça utile, le grand moufti d'Arabie Saoudite, de dénoncer? Ben, c'est son problème. Non, mais c'est pas un problème. Se parler ensemble, vivre ensemble. Pourquoi il trouvait ça nécessaire? Les musulmans du Québec, là, c'est pas le moufti d'Arabie Saoudite, là. Il est à 9000 kilomètres d'ici, il y a personne qui l'a jamais rencontré. Lui, il trouvait ça nécessaire. Moi, j'aimerais ça, mais en fait, je suis peut-être mal fait, là. Alors, je suis peut-être mal fait. Peut-être que c'est pas important aussi, là. C'est une question d'importance, c'est vicieux, vous comprenez? La situation est vicieuse. Parce que, ou bien vous avez vraiment pas de doute, et donc vous n'avez pas besoin de ça, qu'on vous rassure en vous disant il y a personne qui va vous égorger en vous croisant dans la rue, ou bien vous avez un doute et à ce moment-là il faudrait penser à aller voir un psy et vous rassurer parce que il y a un côté paranoïaque ou alors il y a une phobie, il y a une peur exacerbée par rapport au musulman au Québec. On va aller voir Pierre Mayhew justement là, il a gagné sa cause contre le collège des médecins, là, ça va être excellent. Merci beaucoup monsieur Boisy. Moi je souhaite une super journée à nos amis qui vous écoutent et puis je vous dis chers amis spectateurs, passez une bonne journée, respirez par le nez et surtout soyez justement à la hauteur du pacte social dans lequel on est et il faut qu'on arrive à vivre ensemble sans cette affaire de doute en nous considérant tous Québécois, quel que soit ce qui se passe à l'étranger, vu que c'est à l'étranger. Concentrons-nous sur les bonnes choses qui se passent ici. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Donc c'est à l'étranger, ça ne nous concerne pas, pas de problème. N'ayons aucun doute, aucune peur, aucune crainte, jamais. Hein? Donc, on est de même, les humains, non? C'est pas légitime de se poser des questions. C'est pas légitime de mais c'est moi qui m'a le fait. C'est moi qui m'a le fait. C'est pas grave. Comme Gaza, Israël, c'était à l'étranger aussi, hein. Donc, c'était tout simple, pourtant, ce qu'on aurait aimé entendre. Comme on l'a entendu vendredi sur les ondes de France 2, des Français qui sont venus dire clairement, des Français musulmans, qui sont venus dire clairement ceci. On va aller à la pause par la